casquette neuve. Jeter la vieille fut toute une épreuve. J'essaie de ne pas regarder derrière, me concentrant à suivre mon pas. Se dirigeant au comptoir à bière, je laisse sa main et m'adresse au vendeur. J'en veux un grand avec bien du beurre. Allons maintenant derrière le banc des joies. Ils sont en blanc, il est presque l'heure. L'écran géant présente les lanceurs. Quand soudainement le ciel change de couleur et cruellement il pleut sans pudeur, j'en pleure. Des hommes en jaune couvrent le garçon. J'essaie de leur faire entendre raison. Mettez-le toi et que ça commence. Mettez un terme à toutes mes souffrances. Présentez-moi le responsable. Il verra de quoi je suis capable. Est-ce qu'on sera au moins remboursé? Si oui, le jeu, on ira.